mais je l'ai ressenti. Ma mère demande, et on dit que c'est bien bête. J'aimerais creuser des tombes tous les soirs faire la fête. Le sapin et le marbre comme matière première. Les premiers partiront, les derniers j'en ai rien à faire. Les derniers partiront, les premiers s'il y a que ça à faire. Laissez faire le sort, on est tous déjà morts. Comme une partie de poker où seules les cartes gagnent. Les joueurs se succèdent mais y'a personne qui gagne. La misère et la souffrance sur une terre qui saigne. Y'a que la thune qui soigne avec tous ceux qui règnent. J'ai choisi la hargne et enterré la haine. Mes mots sont des larmes dans l'océan qui se déchaîne. J'ai reposé les armes et on m'a mis des chaînes. Esclave de ceux qui gagnent, j'ai choisi la défaite. Chaque portée sur une âme me rend de plus en plus faible. Le sablier défile et le temps s'écoule. Si je meurs demain, j'aurai forcément les boules. Un travail inachevé, je dois conquérir la foule. La vie me fait rêver et la mort me dessoule. Chaque parole envoyée, y'en a encore moins ce qui écoute. Ça me dégoûte, mais y'a que ça que j'aime. Dénoncer l'abus et les gens qui le sèment. Je fais pas bouger les culs mais creuser les méninges. J'ai grandi dans la rue et mon esprit dérange. Trop souvent déçu par les mauvais coups qu'on mange à tort. Être déjà mort me rend de plus en plus fort. Plus qu'un groupe qui fait peur, c'est dans les chaînes. On va tous vers la mort sans aucune rancœur. Seul le temps qui s'écoule t'amène à ton heure. Seul le temps qui s'écoule t'amène à ton heure. Être déjà mort, être déjà mort, être déjà mort, être déjà mort. Je n'ai pas vu ce que tu as vu, mais je l'ai ressenti. Chaque jour des gens qui pleurent sur des corps qui se meurent. Des fleurs en bord de pierre et c'est la mort qui règne. C'est la mort qui règne.